Pauvre, riche et l'hybride. Évidemment, j'aime beaucoup au début définir dans le sujet les différents aspects. Comme là, je vais vous parler du pauvre, puis ça, je vais parler du riche et en finale de l'hybride. Mais je vais expliquer chaque niveau et après ça, me lancer dans le détail. Qu'est-ce qui peut présenter une vie de pauvre, une vie de riche et une vie d'hybride qui est une combinaison des deux? Qu'est-ce qui peut amener un individu, à part l'aspect karmique, à identifier qu'il y a une psychologie de pauvre ou une psychologie de riche? Les forces m'ont dit après-midi que tout est lié au temps quand tu n'es pas dans l'esprit. En d'autres termes, la facture que tu as de ton âme, elle est toujours portée par le temps. La société vit en fonction d'une montre. Vit en fonction d'une efficacité qui est toujours mesurée par une montre, qui est toujours mesurée par une rythmique qui veut aller toujours de plus en plus vite pour se libérer du temps, pour plus sentir le temps. Tout ce qui existe au niveau de l'âme est obligé de supporter une temporalité. Vous me suivez jusque-là? Je voudrais que vous soyez capable de suivre jusqu'au bout. Et la personne qui réussit à maîtriser le temps, nécessairement a un avantage sur son environnement. Peu importe la nature de l'expérience que vous avez à vivre, vous allez voir que dans toutes vos expériences, il y a toujours une sorte d'angoisse existentielle qui est liée au temps. Les forces, ils disent, nous autres, on n'est pas dans le temps. Parce qu'on n'a pas à s'inquiéter de la finitude des choses, on est immortel. Étant immortel, le temps n'a plus d'importance. Parce que ce qui ne se fait pas dans un corps va se faire dans un autre. Ce que tu n'as pas appris avec une auto, tu vas l'apprendre avec une autre auto. Donc, on va te changer d'auto jusqu'à temps que tu saches conduire. Donc, on va te changer de corps, d'ego et d'exploration de l'âme aussi longtemps, aussi souvent qu'il va être nécessaire pour que ton âme soit réellement domptée à un moment donné. Parce que les autres, ils ont de l'espace, mais ils n'ont pas à subir le temps. Donc, il faut bien comprendre que notre combat, égoïquement, est lié au temps. Et le temps, il est plus sensible quand on a beaucoup de mémoire. Plus tu as de mémoire, plus donc tu vas te charger de connaissances, plus la pression pour l'efficacité va être grande. Qu'est-ce que c'est étudier? C'est charger ton cerveau de temps, souvent d'un passé des autres, ou du passé de ce que tu apprends. T'sais, on va t'apprendre le passé du tennis, on va t'apprendre le passé de la médecine, on va te passer toute forme d'information qui traite avec tes ancêtres pour te dire maintenant, il faut que tu améliores ça ou il faut que tu exécutes ça comme ça. Donc, on te charge de temps. Qu'est-ce que c'est parler sur le contact? C'est d'être une espèce de tuyau qui ne tient pas compte d'une étude quelconque, autre que pour l'action. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, il, dans de l'espace, t'informe comme si tu l'avais jamais demandé, mais ça peut passer dans ton canal. Donc, tu es informé parce que c'est le canal prédisposé pour ce type d'information-là. Toutes les gens qui ont un talent exceptionnel, c'est des gens qui ont beaucoup, beaucoup d'esprit qui habitent le corps. Et que sans être dans un... Tu sais, un enfant de 7 ans qui conduit une orchestre. J'ai vu ça sur YouTube. Je l'ai envoyé d'ailleurs. Viens pas me dire qu'il a appris quelque chose, là, tu sais. Pas eu le temps d'apprendre de quoi, là. Il l'a peut-être appris, mais ça a dû aller vite pour comprendre certains. Tu vois bien qu'il y a plus d'esprit que d'âme, puis que son âme a été loadée de mémoire pour l'essentiel. Tu sais, comment tenir la baguette, comment traiter avec un violon, traiter avec un violoncelle, traiter avec un bassiste, ça fera, peu importe. Et puis les gens qui ont des super talents, c'est toujours l'esprit qui a choisi la programmation. OK? On s'entend que c'est la partie immortelle de votre être qui a défini dans la partie mortelle de votre être ce qui devait être. Pour une raison qui peut traiter avec, si on mesure ça dans le temps, à des milliers d'années plus tard. Parce qu'étant donné qu'eux autres, ils n'ont pas de temps, ils ont juste quelque chose qui doit se faire, qui devient parfait après utilisation de plusieurs égos et de plusieurs programmations. Vous me suivez? Considérant le fait que vous autres, votre principal niveau de conscience, quand vous vivez de l'expérience, c'est votre égo qui prend le choc des événements. Et il y a votre programmation qui vous amène à l'événement et qui vous fait traiter intellectuellement de ce type d'événement-là pour que vous bâtissiez un esprit critique et que vous soyez capable d'avoir un point de vue sur la situation. Donc, plus une personne, on va dire qu'elle a une expérience puis qu'elle a une bonne analyse dans l'expérience de ce qui vient de se passer, plus conséquemment, elle est sage. Et elle peut retransmettre des vérités de sa sagesse, qui est quand même l'expérience de sa programmation, qui 99% ne s'applique pas à tout le monde, mais qui, si ça respecte des critères de base comme la génétique ou ci ou ça, on peut arriver à dire, ben globalement, tout le monde, s'il mange comme ça, ça va donner ça. Parce que statistiquement, il y a 85% des gens, mettons, qui réagissent à ça de telle façon, vous me suivez? Mais là, 15% qui est en dehors, « Ah, oh, ça, c'est pas grave. Ça, c'est des cas qu'on va étudier plus tard, puis on va voir comment que... » Tu sais, vous avez trop des maladies qu'il y a juste 1 millième de la population qui a ça. Et puis, on fait des études là-dessus. Alors que si vous étiez dans un niveau de conscience, les forces vont dire « C'est parce que la personne a réglé telle affaire qui n'a pas été réglée dans une autre vie. » Mais la science n'est pas prête à ça encore. Conséquemment, on ne peut pas travailler avec l'esprit, avec un mode de référence qui est basé sur la mémoire, donc qui est basé sur une accumulation temporelle d'expérience. Donc l'âme, principalement, ce qui crée une résistance à l'esprit, c'est le temps. Pourquoi maintenant, on aborde le sujet de la soirée, je vous ai fait une mise en situation, pourquoi une personne est pauvre? Parce que ça prend du temps à faire de l'argent. Pourquoi une personne est riche? C'est parce que ça prend moins de temps à faire de l'argent. Je veux dire, hey, mais non, force-toi un petit peu, là, il y en a des meilleurs que ça. Là. Bon, le pauvre, il pense tout faire lui-même. Regardez quand vous êtes pauvre, vous dites, ah, ben, moi, le faire tout seul. T'as un flat, moi, le réparer tout seul. Je vais sauver de l'argent. Le riche, lui, il dit, moi, le faire par quelqu'un. C'est pas sauver de l'argent, c'est pas le faire. Il sauve du temps. Il m'a sauvé du temps si je prends quelqu'un qui est meilleur que moi pour faire ça. On est dans une société où il y a plein de spécialisations. Le riche, lui, dit, m'a utilisé tous les spécialistes, je vais lui donner 5$, puis je vais en faire 7. Je fais 2$ par personne, par spécialiste, qui veut faire les choses bien. Fait qu'il prend un artisan, il prend un individu qui veut faire ça tout seul, montrer qu'il est bon, il donne une médaille, puis 10$, puis lui, il vend ça à 200$. Vous me suivez? Il sauve du temps. Lui, il a compris, par instinct, par programmation, par tout ce que tu pouvais imaginer, que de faire, ça sauve du temps pour lui. Et que pour lui, s'il réussit à tirer avantage de sauver du temps, il va avoir une condition de vie matérielle plus favorable que l'autre. Là, vous allez dire, ouais, mais si tout le monde était de même, bien, tout le monde était de même. Savez-vous que tout le monde va être riche? Même le pauvre? C'est que, es-tu capable d'être de même? Moi, j'ai passé mon génie à pas penser comme un riche, à penser le faire tout seul. Quand est-ce que tu commences à vouloir le faire par les autres? Chris, quand t'es plus capable. Puis quand t'es plus capable, il est trop tard. Parce que là, il faut que tu génères pour pouvoir payer quelqu'un pour faire ta job. Puis moi, je peux pas faire ma job, j'en ai pas ben du monde qui sont sur le contact. Je dis, hey, incite-toi là. T'as le contact. Tu vas faire des consultations à 30$. On va être moitié-moitié. Tu prends 30$, tu me donnes 30$. Je serais riche, en forme une cinquantaine. Puis là, allez-y. Faites les restaurants, faites la rue, faites n'importe quoi. Puis donnez-moi moitié de votre salaire. En fait, c'est la moitié, c'est la partie qui te revient, puis la partie qui me revient, parce qu'il y a une façon de jaser pour faire travailler quelqu'un avec toi. T'sais. Je l'ai jamais appris, mais je suis pauvre aussi. Comprenez-vous ce que je veux dire? Fait que, quand tu comprends que c'est une affaire de compression temporelle qui fait la différence entre un riche et un pauvre, tu fais tout ce qui augmente ta vitesse, mais qui se fait. Parce que le plus vite de tout, c'est juste y penser. Tu dirais, ouais, il faudrait que j'aille une auto. Tout, tout, tout. C'est comme si c'était fait. Oui, mais tu vas payer ça comment? Mais là, tu vas payer ça. Moi, j'ai juste pensé à l'auto. Là. C'est pas mal plus vite que de payer une auto, faire un contrat, être assis dans le char, tout le kit. Tant qu'à ça, je pourrais regarder un gars qui passe en Lamborghini, tu dis, bon, OK, c'est à moi ça. J'ai trouvé un chauffeur pour le mettre dedans. Puis il est même pas conscient qu'il roule mon char. Hey, c'est vite, ça, là. Hein? C'est juste dans l'affaire du temps, c'est d'être capable de sauver du temps et de l'habiter et d'établir une signature comme quoi c'est marqué « ça m'appartient ». C'est ça, un riche. Il te fait faire des affaires, puis il marque son nom comme quoi c'était lui. Le propriétaire, je suis locataire, là. Il dit, j'ai un gars qui veut acheter ta maison, puis qui est prêt à rentrer au mois de juillet. Fait qu'il dit, si tu n'apprends pas, dans le sens que tu ne l'achètes pas, on va la refiler à lui. Il me rage dans le temps, l'hostie, là. Mm. Moi, je ne l'ai pas signé rien dans le temps d'un éclipse. Il s'en fout de l'astrologie, lui-là. Fait qu'il me met dans l'éclipse d'aplomb, tu sais, genre, je déménage au mois de juillet. Puis là, à la fin, il dit, je vais respecter ton bail. Il dit, comment qu'il appelle ça, là? Par sympathie, ou je sais pas trop. Il a utilisé un terme, en tout cas, qui voulait dire « je te mettrai pas dehors ». Bon, OK. Mais j'ai une pression dans le temps. Très, très, très riche. Il était à mon kid, je te fais un chèque. Mais non, je suis obligé de passer par les banques. Je suis obligé d'être exposé au fait que je suis travailleur autonome, puis qu'on demande 30% à un travailleur autonome, puis on demande 5% à quelqu'un qui travaille à 10$ et 80$ de l'heure dans une compagnie. Tu sais? Malade l'affaire, un petit peu, mais c'est comme ça. Fait que la société impose des restrictions, des obstacles qui peuvent te rendre pauvre, et si tu es assez intelligent pour faire par des gens des choses qui te cassent les pieds, exemple, tu prends un avocat, tu dis, bon, ben lui, il va me défendre parce qu'il est mieux outillé que moi pour faire ça, je vais prendre un employé pour faire ça, puis pop, pop, pop, pop. Puis si tu développes ça, là, à l'âge de 12-13 ans, c'est utiliser les autres qui veulent faire des choses tout seuls ou qui veulent se spécialiser dans quelque chose, mais là, tu peux pas faire autrement qu'à 30 ans, 40 ans, être riche. Mon gars, j'ai appris les affaires, mais j'ai jamais été capable d'y apprendre de faire travailler quelqu'un pour lui. Ça, il l'a appris tout seul. Ça a été l'étape la plus dure, parce qu'il n'y a pas eu personne pour lui dire « commence à faire travailler du monde pour toi. Prends-toi un employé. » Fait qu'il a commencé pauvrement, avec des prêts supportés par la paie. Donc, il m'a fait travailler à sa place, dans un sens, il n'avait pas de crédit, lui, pour aller chercher 10 000 piastres de haut-parleur pour faire des boîtes de son pour 56 cassins. Fait qu'il m'a fait travailler pour lui, mais il n'a pas fait ça d'intention. Mais il a compris qu'il faut que tu ailles à l'extérieur chercher un capital, une ressource, une dynamique X pour améliorer ta structure. Plus la personne sait travailler avec l'énergie des autres, plus il s'améliore. Fait que là, à un moment donné, il a compris que, bon, un employé, ça rapporte tant, puis ça rapporte tant. Tu sais, je veux dire, tu donnes 40 000 piastres à quelqu'un, puis il mange avec ça, puis il peut se faire une famille, papa, papa, puis il devient dépendant de ta personne, et puis étant dépendant, si ça va mal, il va prendre une perte de 10 000 cette année-là pour que tu puisses te refaire, puis qu'il puisse continuer à travailler, puis que l'année d'après, t'es un boss gentil, si tu donnes 5 000 piastres de plus, donc 45 000, ça va le compenser pour le... Tu sais, vous connaissez l'histoire un peu des syndicats là-dedans. Et que, par conséquent, ça améliore sa richesse. Il y a ce qu'il fait et il y a ce que les autres font en plus qui améliore ça. Fait qu'aujourd'hui, il roule avec 1 million de chiffre d'affaires que tout seul, c'est probable. Alors que quand il était tout seul, puis il pensait rester tout seul, il faisait quoi? 25, 30 000, 40 000 max. Il était pas capable plus, là, tu sais, t'as 24 heures d'une journée, faut que tu dormes, faut ci, faut ça. Puis là, là, ils sont rendus 17 dans sa business, là. 1 million de chiffre d'affaires, c'est normal. Il vise 1 500 000 l'année prochaine. Puis on engagera plus. Il a compris l'affaire du temps. Tu fais travailler des gens, ça te sauve du temps. C'est du temps que tu serais pas capable de mettre dans quelque chose pour pouvoir te sortir du trou. Bon. Là, tu vas dire, ouais, mais les conditions économiques, ils conditionnent ton temps. Oui, c'est vrai que les conditions économiques, si t'es pas capable de payer quelqu'un, t'es obligé d'être pauvre. Ou si t'as déjà payé du monde pour le faire, puis que les conditions économiques font que ton matériel sort pas, ce que tu produis, le service, tu sais, les gens, si le monde s'appauvrisse, ben ils peuvent pas t'enrichir parce que ils ont plus moyen de te consommer. Mais la règle est toujours là, pareil. Ça revient toujours à si tu as 1 000 personnes qui te ramènent 5 piastres dans tes poches à toi par jour, tu vis bien. L'idée, c'est de trouver comment faire travailler des gens avec une satisfaction pour t'enrichir. C'est ça le problème. Là, on a Internet. 1 piastre, 1 million, de fois. Tu as 1 million de personnes sur la planète qui regardent Internet. Tes intérêts pour 1 piastre et t'es millionnaire à la fin de la semaine. Il y a bien du monde qui ont compris ça. Moi, je suis un gars qui s'intéresse à la guitare. Bon. Je vois un cours, tu vois, il est bien fait. Il est bien monté, ce cours-là. Le gars, il était à l'université. Il a mis 60 000 $ dans son éducation. Donc, il a appris quelque chose avec ça. Il avait le talent, faut dire. Puis pendant 15 ans, il a appris la guitare, puis il a appris d'autres instruments, puis pop, pop, pop, pop. Puis là, à un moment donné, moi, je l'ai vu, puis il se cachait tout le temps le bas du corps. Puis à un moment donné, je l'ai vu dans des bloopers, parce qu'il a fait un blooper de lui. Puis là, j'ai vu qu'il était pas mal plus gros que moi, mais qu'à juste les épaules, ça avait de l'allure, son affaire. Puis la guitare cachait le reste, fait que c'était bien. Pas mal brillant. J'ai reçu ses cassettes aujourd'hui, puis j'ai commandé des cours de 2 autres gars. Et bizarrement, les gars, je trouvais qu'il y avait un cours bien monté. Ça se comparait pas mal à l'autre. Là, j'ai reçu, je sais pas moi, 15 DVD d'une boîte. Et puis, ils faisaient de la publicité pour les 2 autres que j'avais déjà commandé des CD. Puis là, j'ai vu qu'ils travaillaient ensemble, les gars. Ouais. Il y avait chacun leurs affaires, mais un gars disait, à un moment donné, quand il n'y avait plus rien à vendre, il supportait un autre guitariste. Fait que le gars que j'ai reçu DVD aujourd'hui, ça venait d'un site qui s'appelait Guitar Jamzy. Puis lui, c'était Guitar Zone. Puis il y en a un autre, c'est Next Level Guitar. Ils sont tous et trois ensemble. Ils ont toutes la même méthode de travail. Puis nous autres, moi, il m'a fait dépenser 1000 piastres, ces trois-là. Fait que 1000 piastres de stock, un 2-300 là, un autre 2-300 là, puis ils ont chacun leur spécialité. Un, c'est l'acoustique, l'autre, c'est la guitare. Tu sais, genre, t'es plus capable de manger après tellement que t'es crispé, là. Puis l'autre, c'est une musique un peu plus jazz. Fait qu'ils ont chacun leur style, mais ils travaillent ensemble avec les mêmes styles. Ils ont compris que faire travailler la machine, c'est bon pour tout le monde. Tu sais, c'est long de comprendre pourquoi il y a 3 dépanneurs, c'est des coins de rue, puis que la 4e n'est pas utilisée, voyons donc. Comment se fait, ça? Tu sais? Fait que... Le pauvre, toute sa vie, il travaille pour faire de l'argent. Puis le riche, toute sa vie, il cherche à travailler à utiliser les pauvres. C'est pas pire, hein? Fait que j'ai compris une chose dans la vie. Il y a ceux qui sont esclaves, puis il y a ceux qui font travailler les esclaves. C'est-tu un problème d'imagination pour un esclave de se trouver de l'ouvrage? Moi, je pense que oui. Je pense que quand tu es riche, c'est parce que tu sais faire quelque chose à quelqu'un qui n'aurait pas pensé de ça. Qu'est-ce que le gouvernement fait quand il manque de mécaniciens? Grosse publicité, la mécanique, vous en allez là-dedans, vous êtes sûr d'avoir de l'ouvrage. Quand il manque de médecins, on va vous financer, on va vous prêter de l'argent pour que vous soyez médecin. Fait qu'ils voient bien que le monde n'a pas de pulsion personnelle. Et que si on dirige le mental, ça va faire des bons esclaves, même si vous êtes professionnel. J'avais le chum à Claire, qui était médecin, top, top, top, là, tu sais, genre, dentiste, le meilleur au Québec, dentiste, faisait 5000 piastres par jour, puis il se plaignait. J'ai dit, c'est quoi ton problème, Don? Il dit, même à mon meilleur... Il dit, je serai jamais capable de faire autant d'argent que celui qui vend de la colle Crazy Glue. Ah oui. J'ai dit, pourquoi? Il dit, mon talent, je peux pas le transférer. Non. Parce que si je transfère mon talent à quelqu'un, il va se partir d'un bureau, puis ça me payera pas, ça va m'appauvrir. Tandis que l'autre, s'il vend plus de colle, qu'il engage plus de monde pour mettre ça dans d'autres pays... S'il s'en va à l'international parce qu'il va aller faire sa colle en Chine, puis ça ci, puis ça, il va faire 25 millions de plus par année. Puis il ne travaillera pas plus, celui-là. Fait qu'il dit, j'ai pas une bonne job. Ben, j'ai dit 5 000 par jour. Ouais, mais il dit, tu vois pas ça de mon point de vue. Moi, je dis, je me tiens avec du monde qui font 50 000 par jour, 100 000 par jour, qui font un projet en Chine, puis qui, moi, j'ai de l'air d'un pauvre. Ah, t'as de l'air d'un pauvre. Mais un pauvre avec un autre pauvre, ça souffre pas. On change ton milieu. Il dit, j'aimerais plus être à la place d'un gars qui vend des dents, tu sais. C'est genre, tu sais, des dents, comment il appelle ça, des partiels, ça fait la même. Il dit, tu as plus de chances d'évoluer économiquement à faire ce que je fais. Je meurs demain matin, j'ai pas d'héritage à donner, là. J'ai un héritage financier, mais j'ai pas d'héritage dans le sens de la connaissance. Il faut que la personne ait le feu de faire ça. Fait que vous voyez qu'un gars qui fait 1 million par année peut se sentir pauvre parce qu'il peut pas être riche. Riche dans le sens qu'il peut pas sauver du temps parce qu'il peut pas faire travailler quelqu'un pour ce qu'il fait. Voilà. La mafia a compris ça. C'est quoi l'essentiel de l'ouvrage d'un gars qui est dans la mafia? C'est de recruter des « hangers » qu'ils appellent, des gens qui vont faire des jobs sales, qui vont prendre toute la responsabilité d'un meurtre. Pourquoi que les gros se font jamais pogner? Parce qu'ils font faire. La notion de hiérarchie dans la mafia, c'est poussé à l'extrême. Bon, ben, quand vous regardez la notion de hiérarchie, dans la hiérarchie, c'est toujours de faire-faire. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tandis que le pauvre, lui, c'est toujours faire par lui-même. Donc, il est toujours pris dans un tourbillon de limitation dans le temps. Il n'y a pas le temps de faire ci, il n'y a pas le temps de faire ça. Si je lave la vaisselle, je vais perdre 3 heures d'ouvrage à cause du transport, je vais être dans le trafic. Si je perds 3 heures à 15 de l'heure, je vais perdre 45 puis j'ai pas le 45, je pourrais pas payer mon loyer. Tu sais, ça revient tout le temps à travailler dur. Tandis que l'autre, il dit, hey, il faut que je me trouve quelqu'un qui me rapporte le 45 puis je vais pouvoir prendre mon temps. Vous me suivez? Parce qu'il y a une limite à augmenter les prix quand tu vends un service ou un produit. Tu sais, mané, le monde se montre trop. Pas achetable égale perte d'argent, puis pop, pop, pop, pop. Fait que dans l'évolution d'un être humain, il y a une coche de prise de conscience qu'il faut qu'il soit faite pour comprendre que faut que tu sois le moins au service des autres et le plus d'éléments extérieurs qui doivent être à ton service pour être libre. Gilles, il y a une compagnie d'émondage. J'ai tout dit, si tu veux prendre l'expansion, Gilles, pour faire 400 000 par année, faut que tu aies plusieurs succursales d'émondage dans différentes villes, puis que tu t'élègues le plus. Non, moi, je vais le faire tout seul. Ça s'enligne vers ça. Mais tu vas dire, oh, ben, Chris fait un asti de bon salaire, moi, avec ça, je n'aurai assez. C'est parce que quand tu fais bien une chose, tu te sens exploité à un moment donné si tu peux pas augmenter, comment j'expliquais ça, la richesse en fonction de toi-même. Lui, il peut déléguer. Moi, je peux pas déléguer. Moi, je suis condamné à être pauvre. Vous savez? Lui, il est pas condamné à être pauvre. Il peut déléguer. Mais il faut que tu fasses confiance. Si tu fais pas confiance, tu peux pas être riche parce que tu es obligé de dire, ouais, toi, tu vas le faire. Tu sais? J'ai engagé un gars là, qui était dans la misère noire. Là. Je me demande, si, quand je l'ai engagé, s'il avait mangé depuis une semaine. Combien d'heures tu me donnes? Je dis, j'ai pas d'outils pour faire ça. Pas de problème. Mais j'ai compris à un moment donné que pas de problème. Tu pouvais taper un clou, à, je sais pas, moi, avec une nénette, là, parce qu'il gagnait du temps. Il était payé à l'heure. J'étais à un moment donné, hey, si je m'équipe pas, ce gars-là, il va rester 100 ans chez nous. Là. Tu sais? Et là, j'ai été acheté un marteau. Là, ça va pas de l'air à faire son affaire parce que là, ça allait plus vite. Il était là pour gagner. Il était payé à l'heure. Il était payé au temps. Il s'enrichissait parce qu'il pouvait utiliser son temps, qu'il n'utilisait rien, à faire de l'argent. Hey, si Marie est arrivé, il disait, écoute, à 15 de l'heure, on va venir à 2. Il serait appauvri. À 15 de l'heure, il vient tout seul. C'est tout à lui. Vous savez? Il y a une logique. Il y a une logique dans la richesse. Qui est l'affaire de toujours faire le max dans un temps où c'est réparti, la charge, peu importe la charge, dans une capacité de contenance qui devient tout le temps. Es-tu capable de me faire ça dans tant de temps? Je te donne un bonus si tu le fais plus vite. Il y a toujours comme de l'argent à raccorder au temps. Mais de l'argent, c'est quoi? C'est de l'échange. Fait que tu fais travailler beaucoup de monde, c'est plus efficace. Toutes des gens qui sont prêts à faire les esclaves pour un salaire donné. Puis le plus riche, ben lui, il se prend une cote là-dessus. Le riche, c'est celui qui peut taxer le travail des autres. C'est celui qui peut dire, tu vas faire ça. Qui gère le temps des autres. Moi, la première chose que j'ai compris, moi, quand j'étais jeune, j'ai dit, si je gère mon temps, je ne peux pas être dominé. Parce que pour être dominé, il faut que quelqu'un te dise, tu vas faire ça dans son temps à lui. Fait que si lui, il définit que le temps que tu fais quelque chose selon ses critères, ça fait de toi un être qui se déstabilise assez souvent et assez longtemps pour qu'il y ait une dominance sur ta personne. C'est pas dur de comprendre que si tu gères ton temps, j'ai dit à mon gars, j'ai dit, écoute, si tu veux être à ton compte, pas de trouble. Si tu veux être à ton compte, il faut que tu gères ton temps. Fait que lui, il dit, moi, j'aime ça dormir le matin. C'est toi qui décides. Si tu dis, je rouvre juste l'après-midi, c'est toi qui décides. Mais si tu as peur de perdre des clients et que tu rouvres le matin puis que tu te fatigues parce que tu n'es pas fait pour travailler de jour le matin, bien là, à ce moment-là, à un moment donné, c'est la clientèle qui va te dominer. Puis là, ils vont te faire les prix qu'ils veulent. Fait qu'il n'a jamais travaillé le matin. Puis là, avec le temps, il a compris que s'il y avait un employé qui travaillait le matin et qui ne travaillait pas l'après-midi, qui n'était pas efficace ou qui n'était pas efficace le soir, que ça réglait son problème, bien, c'est ce qu'il a fait. Mais il s'est arrangé pour que la personne, ça y rapporte. Lui, pour lui, un produit ou une personne, c'est la même affaire. Le produit rapporte combien? L'employé rapporte combien? Si l'employé ne rapporte pas et qu'il mange tes profits, tu n'as pas besoin d'un employé. Tu peux le faire tout seul. Il a compris une logique qui était simple. Si tu penses en pauvre, tu es toujours en train de vouloir la faire tout seul parce que tu as peur de te faire voler, ou tu as peur de perdre de l'argent, ou tu as peur de n'importe quoi. Puis le riche, lui, il a pensé l'inverse. Puis quand tu as de la richesse, tu utilises inévitablement les ressources d'un autre. Il peut être satisfait, là. On parle pas. Je dis pas que les gens sont pas satisfaits. Moi, c'est juste le principe. Le détail de tout ça, là, avocat, papa. Je suis pas là-dedans. Là. Puis je veux vous faire comprendre que d'être riche ou d'être pauvre, c'est relatif. Là. Bon, c'est sûr que ça ici, puis ça ici, c'est un karma. Pas nous autres qui pensent. Ça, c'est la règle ici, là. Fait que c'est pas vous autres qui pensent, puis que vous êtes au monde dans une famille X, puis que on vous éduque dans une certaine direction, avec une mentalité X, il y a des grosses chances que cette influence-là va marquer votre façon d'être. Moi, chez nous, mon père, je me souviens, j'avais 9 ans, 10 ans, il disait, écoutez les jeunes, là, parce que j'avais un frère et une sœur, il disait, écoutez les jeunes, quand vous finissez pas votre assiette, c'est dur pour moi parce que je fais 90$ par semaine. Oh, là. Pour lui, là, qu'on ne finisse pas notre assiette, même si on avait plus faim, c'était du gaspillage. Fait que, pas gros pour rien, le gars, là. T'sais. À finir ton assiette, quand tu n'as plus faim, tu finis que tu as peur, même en vieillissant, que tu gaspilles. Tu as une peur de gaspiller. Ça fait quoi, ça? Ça fait que tu traînes des estis de patentes que tu n'as plus besoin parce que tu as peur de gaspiller. Toutes les gens qui ont peur de gaspiller, c'est parce que vos parents vous ont dit « finis ton assiette ». Ou ta. On est élevé d'une mentalité. Sortir de la mentalité, ça demande un effort. Ça demande un effort de faire le contraire ou de voir différemment. Et surtout, d'apprendre à comprendre ce qui fait que c'est difficile de changer ta façon de faire. Puis ça se ramène toujours au temps. Comment tu utilises ton temps? Étudier égale les décrochages. Étudier, on perd notre temps. On peut faire de l'argent tout de suite. OK. Il faut que tu sois bien cohérent dans ta tête pour lâcher l'école et avoir une capacité d'apprendre. Le gros problème dans la vie, souvent, celui qui décroche, c'est qu'il remplace ça par rien. Il remplace pas ça par une autre façon d'étudier. Tu te laisses écraser, tu te laisses dominer, c'est fini. Ta vie va être marquée dans tous les aspects. Ça va être marqué dans ta vie de couple, ça va être marqué dans ta vie sociale. Tu vas devenir un yes-man dans tout ce qui se touche, Lévi. Faut que vous soyez prête à vous battre et à mourir pour votre vie. Qu'est-ce que tu veux? Quand on est dans la vie et qu'on est dominé, on est obligé de subir. Hein? Ben, faut quand même pas s'exagérer. Là, je l'ai promené dans l'autre polarité. Pour qu'ils comprennent, ça n'a pas de fond, la société. Ça n'a pas de fond, Lévi. Ça n'a pas de fond. Pas de fond. Fait que si toi, tu as un fond, tu vas te faire pogner par celui qui met le tu sais, quand tu vas à la pêche, là, puis t'as des filets, tu vas pogner celui qui met le filet le plus bas, puis tu vas te faire amasser, même si t'es un gros requin, tu vas te faire amasser par le filet. Fait que là, j'ai expliqué la base du fait que quand t'es riche, t'as des connexions pour pas te faire dominer. T'as toujours quelqu'un qui va aller te sortir du trou en quelque part. Puis quand t'es dans l'extrême, ben, tu vas aller chercher l'armée à un moment donné. Un gars comme Harper, il peut dire, ben moi, là, le Québec, là, si c'est 9-3 l'histoire de l'indépendance, on va mettre l'armée dans les rues comme Trudeau a fait. Vous me suivez? Si t'es pogné dans le problème du pas de fond de quelqu'un, c'est sûr que si t'as pas les pensées pour te protéger contre ça, tu seras jamais capable de créer un enrichissement quelconque. C'est ça le point. Bon, là, vous allez me dire, moi, je suis pas capable de faire ça. OK. Accepte ta condition. T'es pauvre, t'es heureux, ta femme t'aime. Tu manges trois fois par jour? Deux. Moi, deux, c'est assez. Je dors plus pour pouvoir moins manger parce qu'il faut que je perde du poids. Là, les gars vont dire, tu fais des réserves. Bon, OK, fais des réserves. Petite vie, quand même à Mercedes. Ça a changé quelque chose. Mais regardez, j'ai eu une Mercedes parce qu'il y en a un qui est mort. J'ai ramassé son héritage. Il y a quelqu'un qui a travaillé pour moi. Hein? Le principe de la richesse est encore là, là. Il y a quelqu'un qui travaille pour toi. Parce qu'un héritage, c'est quelqu'un qui a travaillé pour toi. J'ai pas travaillé pour cet argent-là. Là. Le pauvre, lui, c'est toujours lui qui a tout à supporter. Le riche fait tout supporter. C'est ça le point. Donc, c'est quoi un hybride? Parce qu'on arrive à la compréhension de l'hybride. L'hybride, c'est quelqu'un qui a compris une chose. Si tout est évalué dans ta vie sur la forme, tu pourras jamais t'en sortir parce que riche ou pauvre, tu vas toujours être pauvre, tu vas toujours être le pauvre de quelqu'un. Tu vas être le pauvre du gouvernement, tu vas être le pauvre de quelqu'un qui fait plus d'argent que toi, tu vas être le pauvre à l'intérieur d'une structure qui n'a un qui est plus riche, puis qu'il veut absolument que tu comprennes que tu es hiérarchiquement inférieur à lui, et ça n'a plus de fin. Donc, la personne qui dit dans sa vie, tout seul, pauvre, pauvre, pauvre, moi je suis bien, il est hybride, il est riche et pauvre. Il est pauvre dans la forme, mais il est riche dans la tête. Si t'es pas riche dans la tête, dans peu importe la condition dans laquelle tu vis, tu vas toujours être le pauvre de quelqu'un. Me suivez-vous un petit peu? Bon. La recette, ma grande recette à moi, c'est que si je suis conscient et que je suis une partie de Dieu, Dieu, y a-t-il quelque chose au-dessus de ça? Hein? Si vous le trouvez, vous me le dites, je vais l'étudier. Mais moi, Dieu, je trouve ça le fun d'être Dieu. Dieu m'habite, ou les forces m'habitent, ou il y a quelque chose d'écœurant qui m'habite. Je vérifie toute ma vie comment il m'habite, puis qu'est-ce qu'il me fait faire. Puis s'il me rend bien, si les forces, Mohamed, Bouddha, le Christ, tabarnak, si je suis bien, je suis bien. Vous me suivez? Et là, à ce moment-là, ma condition, c'est une condition qui est toujours temporaire. T'es riche à un moment donné, t'es pauvre de temps en temps. Et puis, il y a quelqu'un qui t'arrive, il dit, « Hey, toi le pauvre, là, j'aimerais ça que tu fasses ça. » J'ai un gars, j'étais au restaurant, puis ça, c'est l'effet Mercedes. « Tu fais quoi dans la vie, toi, vraiment, là? Tu peux te confier, je ne parlerai pas à personne. » Question profonde, ça, mon cher. Si je te le dirais, peut-être tu ne me parlerais plus. Non, non, j'en ai entendu pas mal dans ma vie. Hein. Vas-y, gêne-toi pas. Es-tu capable de deviner? Si j'ai pas à te le dire et tu le découvres, je vais te dire oui. Ouais. Habillé comme tu es habillé, avec un Benz de 100 000 piastres, tu dois être dans d'autres. Chaud. C'est vrai. Je vais. Puis de la qualité, là. C'est vraiment de la dope que j'ai. Mais c'est de la qualité. Elle sniffe pas, celle-là. Ah, non? Elle se pique. C'est des affaires, c'est l'héroïne. Tu chauffes. T'as pas besoin de rien te mettre dans le corps. T'es pas sérieux? T'sais, apparemment que je la connais pas, celle-là. Il me surprendrait. Ben, il dit, dis-moi les dons. J'ai dit, moi, je fais penser les gens. T'es fait dépenser? Non, penser. Mais je l'ai fait dépenser un peu aussi. Mais surtout, je l'ai fait penser. Puis ça, t'appelles ça de la dope? Ben, j'ai dit, je vais te lancer quelques petites phrases célèbres, puis tu vas voir ça, tu vas l'avoir dans le casse. Un bon 3 jours de temps. Ah, tu vas essayer ça? J'ai dit, tout ce que tu me dis, là, ça vient pas de toi. C'est parce que c'est pas toi qui penses. Je peux même, à l'ultime degré, te dire comment tu vas penser demain. Ah, là, tu me fais arracher, toi, là. Écoute, j'ai toujours fait confiance, Dan, là, mais là, tu me mets là, réellement au pied du mur. Elle est forte, celle-là, hein? C'est plus fort que l'héroïne, ça. C'est pourquoi c'est ça, plus fort que... C'est parce que l'héroïne, le mieux qu'elle peut faire, là, c'est de te faire brasser tes mémoires puis de l'exagérer. Oui, c'est ça. Il dit, on pense à des affaires, puis quand on prend ça, ah, tu l'as déjà pris. Ben, tu te fais un secret, tu m'en fais un. Donc, il dit, quand tu prends ça, il dit, c'est comme, tu perds toute ta cohérence, là, puis on dirait que c'est comme quand tu jeûnes, tu vois une fraise, elle est plus grosse que nature, parce que t'as faim, là, tu sais. Ben, c'est ça. Moi, c'est plus avec le futur des gens, je suis astrologue, c'est pas pour rien, c'est plus avec le lecteur qui ont de la vie, puis ils ont une lecture qui est limitée ou qui est plafonnée, je lui donne une exagération de leur perception pour les faire voir différemment. Ah, il dit, c'est fort, ça, j'ai jamais entendu celle-là. Puis il dit, tu fais de l'argent avec ça. Il y a le Benz, la preuve ultime. On regarde pas le, comment je m'habille, ça c'est pour le monde, ça. Là. Je t'habille de même pour pas faire peur à personne. S'il faut qu'avec ce que je vends, je sois en plus bien habillé, on est dans la merde, là. Parce que les gens vont dire, qu'est-ce que c'est ce gars-là, là, tu sais. Ah, il s'est travaillé, non. C'est spontané. C'est la beauté de l'affaire, ça se fait tout seul. Hey, c'est un job parfait. Essaye de l'affaire pour le fun. Ah, c'est jamais capable. Continue de rester dans ton restaurant. Les gens, ils se mesurent tout le temps. Les gens se jugent tout le temps. Les Canadiens vont-tu gagner à soir? Oui. 3-1, Montréal. Ils ont perdu le meilleur joueur, puis ils réussissent à gagner. Mais là, tu vas dire à quelqu'un, ils ont gagné au soleil, ils t'ont pu se relever. Ouais, mais ça dépend de Price. Ah, ben ouais, puis papa. Là, ils vont avoir une discussion de 4 heures à radio qui va coûter une fortune, ces ondes, pour parler de ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les Romains? On parle d'il y a bien des années, hein, 2000 ans. Ils ont dit, donnez du pain et des jeux à la masse, puis vous allez pouvoir contrôler la paix et l'ordre social. Le hockey, c'est notre pain. C'est la fierté. Les Canadiens perdent 4 games en série. Et puis, on est sur la déprime, tout le Québec au complet. C'est ça, être dominé. C'est être dominé par le courant social. C'est être dominé. On devient les esclaves d'un système de médiation qui va nous faire payer des hot dogs 6 piastres chaque. J'ai lancé un prix comme ça. Mais si vous êtes dans un processus de satisfaction constante, OK? Satisfaction constante. OK? Tu as toujours le smile dans le visage. De ne pas penser à ce qui ne va pas bien, que tu n'as pas la solution. De penser que ça va bien, parce que la solution s'en vient. Juste ça, là. C'est pas un gros changement dans votre cerveau, ça. C'est la dope ultime, ça, là. Tu vois bien les choses parce que tu es juste testé. C'est un test que tu as dans ta vie. C'est pas un problème, un problème. On dirait que ça. On dirait que quand tu dis problème, là. T'es blame pro. T'es le pro des blames. Problème. Là, c'est la fin du monde. Mais moi, quand je me dis, ah ben, encore un test. C'est intéressant. Quand je vais avoir réglé le test, je vais en savoir plus. Comme là, j'en sais plus mon équipement informatique parce que ça a planté toute la semaine. Mais là, ça ne peut plus me planter. Là. Fait que je sais où ce qui était le bug. OK, parfait. Mais il faut que j'aie confiance que ça se règle. Sans ça, je vais tout vendre, la maison, y compris que le computer dedans, tu sais. Fait que la personne qui est capable d'être hybride, c'est quelqu'un que sa condition sociale n'a pas d'importance. Quand la condition sociale, l'opinion d'une personne, l'opinion d'une collectivité, hey, moi j'ai perdu la face dans ma vie, assez que vous devriez même plus me voir, tellement que j'ai plus de face. Parce que quand je travaillais sérieusement, je sortais de l'université et je me suis collé le terme « je suis astrologue ». Et là, je rentrais dans les maisons, je faisais le clown là-dedans. Là. Le monde disait « tu coûtes ça? » Ben non, je ne fais pas ça. Mais ça a l'air qu'il fait. Le gars, il fait un bon show. J'ai compris que je faisais un bon show. J'ai pas compris que j'étais un bon astrologue. J'ai passé ma vie à faire le clown. Le clown. Puis peut-être qu'aujourd'hui, je fais encore le clown. Mais c'est pas ça qui est important. C'est que je suis bien à faire le clown pour les autres, puis à me sentir sérieux puis en mission pour moi-même. Tu veux? Toutes les femmes que je leur ai donné un coup de pied en cul pour qu'ils battent le mari, là, t'es-tu content, tu penses? Monsieur, il me bat quand il est chaud. T'as jamais essayé, toi? Ah, j'ai jamais pensé à ça. Ben, ça, c'est peut-être le temps que tu y penses. J'attends-tu d'avoir 40 côtes cassées ou 40 côtes qui ont cassé puis c'est la même côte qui te casse tout le temps? C'est quoi ton problème? Ben, écoutez, j'ai pas pensé. Ben, tu me rappelleras la semaine prochaine, tu me diras comment ça s'est passé. Là, téléphone, elle dit, j'ai pris un bat de baseball, j'en ai collé un dans le corps. Elle dit, il a peur de moi, cette heure. Hein? C'est un bon feeling. Toi, tu avais peur de lui, puis là, c'est lui qui a peur de toi. C'est intéressant. Ça, c'est évolué, ma grande. Ouais, mais il va me tuer. Peut-être que si tu le fais la première, c'est lui qui va tomber. Tu sais? Tu le vois arriver, là, tu dis, Christ, c'est une malade. Tu vas me battre encore, là? Mais là, tu frappes la première, c'est ça le secret? Ouais, mais si je manque mon coup, ben là, ça va être toi. C'est une loi mathématique. C'est comme ça que je parlais à mes clients avant de connaître Bernard. Et après, Bernard s'est tapé. Ça m'a juste donné la permission de continuer. Tu sais. Parce que tu es toujours dominé par des idées. Tu es toujours dominé par une impression, par une souffrance physique. Écoute, moi, je faisais de l'entraînement dans le temps que j'étais sur le motocross. Puis il m'a dit, à tous les deux jours, parce que je voulais gagner, tu comprends bien, comme tout le monde. Puis comme tout le monde qui courait, là. Puis qui courait en moto, j'entends. Je courais 5000 à tous les deux jours avec casque, épaulette, culotte de cuir. D'ailleurs, c'est ça qui m'a fait passer du cuir au nylon parce que mon nez faisait chaud là-dedans. 5000 avec des bottes, papa, puis d'un coup. Faisais trois tours de piste d'un mille trois quarts. Un moment donné, je disais, si, je pense que je vais mourir à l'entraînement, je ne mourrai pas en compétition aussi. J'étais trop peur de, quand tu pognes un tremplin, de t'aller t'asseoir la tête d'une bûche de bois. Là. Puis, je dis, c'est pas ça qui est dangereux, c'est l'entraînement. Hey, tu sors de là, tu es déshydraté comme le maudit. Fait que, tu t'imposes des souffrances, pourquoi? Toujours pour une collectivité. À un moment donné, j'ai compris que le gros fun là-dedans, c'était d'être président de l'association. C'est toi qui faisais les tracts. C'est le gars, il veut se casser la gueule, on va en faire une bonne. J'ai bâti ça des tremplins, puis c'était pas moi qui payais. Et là, j'ai compris c'était quoi le pouvoir. Là. C'était bien. Les gars, ils disaient, hey, tu en as mis toute une track, là. J'ai cassé pour à peu près 600$ de morceaux là-dedans. Là. Okay. L'hybride, là, quand tu as compris une chose, c'est que avoir du fun, c'est pas nécessairement difficile. Il s'agit que tu te sortes de la tête les influences extérieures. J'inclus dans le couple l'autre, le partenaire. Et puis là, la vie, elle commence à être vivable. Puis tu comprends finalement que dans la vie, ce que les forces veulent, c'est que tu vives pour toi avec les autres. Mais que tu vives pour toi avec les autres. Je l'ai répété souvent dans mes activités. L'affaire de vouloir se mettre en mission, ces choses-là, ça, c'est vivre pour les autres. Puis prendre pour toi ce qui reste. C'est vraiment penser en pauvre. Hein? J'ai poussé ça loin, la pauvreté. Là. Et puis, ça, évidemment, pour les personnes qui sont dans une approche libre, tu sais, qui veulent être libres, c'est votre tête que vous devez libérer. C'est pas de vous libérer des contraintes matérielles. Parce que c'est une autre affaire, j'ai compris. Les forces vont vous supporter si vous allez dans leur sens. Mais si vous allez dans le sens de l'âme, vous n'avez aucun support. Vous avez juste des obstacles, des stress, des insécurités face au temps. C'est vieillir, ça devient une insécurité face au temps. Si, à un moment donné, j'étais avec Jeanne pour attirer la carabine, t'as l'air aimé ça, ma grande. Puis, à un moment donné, on était au Tim Hortons, l'après-tir. Puis, elle dit, je sais pas combien de temps qu'il me reste à vivre. Moi, je calcule ça dans mon computer, il te reste 6 ans. Fait que, vidon au max. Ouais, elle dit, c'est vrai. Peut-être qu'il va y rester vitalement plus que 6 ans, mais son cerveau va commencer à avoir des problèmes de cohérence. Puis là, il va se faire dire, qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui va pousser sa poussette? Quelqu'un va dire, on tourne à droite, tourne à gauche. Puis là, tu vas faire des rallies sous les décisions de ton pousseur de poussette. T'sais? Là, c'est plus vivre, ça, là. Oui, ma mère, les 14 ans qu'elle était à Alzheimer, il y a au moins 10 ans là-dedans qu'elle n'a pas vécu, là. Il y a le bout où c'était drôle, elle se souvenait pas c'était qui son mari. Ça, c'était comique. Mon père, il ne la trouvait pas comique. Il était tellement jaloux. Mais le bout où c'est toi qui décides, là, le bout où c'est toi qui évalue que c'est le fun, la vie. J'ai vu du monde s'amuser avec rien. On regarde les jeunes aujourd'hui, s'ils n'ont pas un computer dans les mains, ils sont malheureux. Nous autres, Chris, on avait un bout de bois, il fallait s'arranger avec, puis le trouver drôle, parce qu'on n'avait pas grand-chose. Là. En tout cas, tout ça pour vous dire que tellement conditionné par la société à être un esclave que... Ça fait des enfants qui sont esclaves. C'est un individu qui a été conditionné jeune à penser tout le temps économie, économie, économie, économie. pas de confiance dans le futur. Ben, sais-tu que pas de confiance dans le futur? Il traite juste la mémoire, hein? Il traite juste le passé des autres, la relative confiance que tu peux faire à quelqu'un pour dire la vie, c'est comme ça. C'est tout du monde raisonnable qui va te donner des conseils. Ils sont raisonnables de quoi? D'une expérience personnelle, qui n'est pas la tienne, qui n'est pas nécessairement adaptée à ta programmation. Hein? On va pas penser à ça. Chris, la sagesse, c'est bien incroyable la sagesse. Mais qu'est-ce qui dit que la sagesse, ça fit à ta vie, c'est là? Moi, j'ai pas été sage. Quand j'étais jeune, j'avais pas intéressé à la sagesse de mon père. On lui a dit, tu pourrais partir à ton compte. Ma mère, elle voulait le partir à son compte. Es-tu malade? Je réussirai jamais. Il a vendu 14 440 chars, sacrément. On a checké le Guinness, c'était 12 000 coques. Tu veux-tu passer au Guinness? Ben oui, on donc. Faut rester humble dans la vie. Oui. 14 440 chars. Je peux pas me partir d'un commerce, je serais pas capable. C'est ça qu'on entendait. Ça marche pas. C'est pensant pauvre. Il y a pas de place pour la richesse là-dedans. OK. Des questions? Allez-y, c'est le temps. Là, vous savez comment être riche, là? Vous l'avez appris à soir? C'est clair? Penses-tu qu'il est encore temps pour toi? Sais-tu un moyen d'être riche, puis que les gens travaillent pour toi, c'est quoi? Facile, là? Que les pauvres vont catcher vite, vite, vite? La loto. C'est des millions de gens qui donnent une pièce, puis il n'y a juste un qui ramasse. Ça, c'est faire travailler le monde pour toi. Puis c'est légal. N'importe quoi. Tout ce qui s'appelle quelque chose qui est mis dans les potes, puis qu'il y en a qui perdent, puis il y en a un autre qui gagne, la bourse. La bourse, le gars qui gagne, il y en a un autre qui perd. Puis là-dedans, il y a des tripoteux de chiffres là, qui font un 1%, 1,5%, 2%. Mais il y a toujours quelqu'un qui perd quand tu gagnes, tout le temps. Rien ne se perd, rien ne se crée. Puis la règle est toujours la même. Il y en a un qui paye pour l'autre. Alors regardez tous les bouts, c'est vous qui avez payé pour l'autre, là. Puis vous étiez dans la position de l'esclave. Mais, un hybride, il peut être esclave puis heureux. Être bien, c'est dans votre tête. Tout se passe ici, puis quand vous êtes mort, c'est ce qui s'est passé ici qui est comptabilisé, ces plans. C'est pas combien de milles t'as marché, là. Ta carcasse, là, 100 000 kilos, 200 000 kilos, 300 000 kilos. Quand ton char est plus bon, puis ça va à scrap, c'est pas le millage qu'on regarde dedans, là. C'est des pièces qu'on peut récupérer qui sont assez bonnes pour en revendre. Votre tête. Quand tu catches ça, là, tu sais, genre, tu te lèves un matin, tu dis, bon, il me reste combien pour aller manger? 2,5 piastres. Ouh, c'est pas pire, ça, on prend un café. Hey! Là, tu arrives là-bas pour prendre ton café, parce que c'est ça que tu as dans tes poches. Puis il dit, vous prenez juste un café? Ben, j'ai dit, j'ai perdu ma carte de guichet. Bon, vous le payez! Ce moment-là, ça va aller bien. Qu'est-ce que vous voulez manger? Ah, ben, normalement, je mange 2 œufs bacon. Ben, c'est pas cher, ça. Il dit, c'est juste 3 piastres de plus. Mais, tu sais, quand tu l'as pas, j'ai perdu ma carte de guichet. On vous paye ça. Puis vous me devez rien. On va jouer là ensemble, on va être du fun. T'es bien. Si tu commences à dire, ah, tabarnak, j'ai pas d'argent, faites pas ça, ça me gêne. Et là, t'es fait, là, c'est la déprime totale. Le gars veut plus te parler, t'auras pas ton lunch. Là, un café, on s'entend que ça soutient pendant une couple d'heures, là, mais une journée complète, c'est pas évident. J'ai vécu ça souvent, moi, là. Pourquoi tu penses que je suis de bonne humeur? Ça me sauve le cul. On va au restaurant, je dis, hey, madame, ça vous tente que je vous tire aux cartes? On va vous en faire pour une demi-heure, 5 piastres. Ah, ouais, puis vous êtes bon là-dedans? Le meilleur. Le meilleur. Vous venez de gagner à la loterie, là. 5 piastres, là, je fais pas ça souvent. Mais ça paye mon lunch. C'est tout est dans la tête. Le paradis est dans la tête et l'enfer est dans la tête. Tu penses que ta vie tout croche, tabarnak? Tu vas vivre une vie tout croche? Tu sais, j'arrive chez nous, puis les chats, tu sais, j'en ai 21, là. On s'entend qu'ils ont rempli la litière. Si je dis ça sent, tu penses-tu que le chat va changer sa litière tout seul, toi? Voyons donc. Il va en remettre une couche de plus épais la journée d'après. Eh non. Je dis, bon, vous êtes en santé, boys, ça veut dire que vous mangez, c'est bon. On flush la litière. Puis là, une fois que j'ai fini de ramasser tout ça, il y en a un sac IGA plein, OK? C'est deux fois par jour, un sac d'IGA plein. Puis je peux vous dire que les sacs IGA, ils sont très tough. Si jamais vous pensez à étouffer quelqu'un, ça marche avec un sac IGA impeccable. Ah, c'est bon, c'est super bon. Je remplis ça, là, ça doit peser 30 livres. J'ai ça, là, je vais porter ça dans les poubelles, là, puis je descends les escaliers, puis je plie dans les genoux. Très bon, très bon. Mais le point que je veux faire, c'est que tu peux dire, hey, ils me mettent dans la merde, puis c'est vrai pour vrai. OK? Ou tu dis, hey, c'est le fun, ils sont bien nourris. Toute ta vie, c'est une question de perception. Puis quand tu commences à mesurer ta vie avec la société, tu peux être un petit cul, puis tu peux être un grand cul. Tu peux toujours être quelque chose de plus, puis quelque chose de moins. Mais en échange, j'aime ça mettre le monde au monde, avec de l'échange. Mais fais le smart, là, tu vas t'en mettre plein tes bottes. Comprends-tu? J'aime pas essayer d'avoir du monde qui cherche à comme me contrôler. Il y en a un, à un moment donné, il prend 1 heure et demie de consultation, il a acheté un bloc de temps de 800$. Puis il dit, ça fait 1 an, je t'ai pas appelé, mais il dit, je t'ai pris avec tes points de vue, j'avais de la misère avec ça. Je t'ai pris avec des points de vue. Point de vue. Moi, tu me prends un point de vue. Écoute bien, Tipit, quand tu m'appelles, là, c'est parce que tu as le goût de goûter à de l'absolu. J'ai pas de point de vue, moi. C'est ça, faut que tu fasses. Point final. T'es pas prêt à vivre avec ça. On va te rembourser la balance. Pourquoi? Parce que ce que je sais de la vie, c'est ça. Là, il va dire, ouais, mais c'est ça pour toi. Non, c'est ça, c'est ça. Tu sais, il pleut. Chris, ça peut pas être ça pour moi, puis toi, c'est pas ça, il pleut pas. Et alors, à moins qu'on soit pas dans le même pays, puis qu'on soit un cellulaire, qu'on se voit. Il pleut, tout le monde. C'est un constat qu'on fait. Je dis, moi, c'est absolu, puis je l'ai constaté. Que tu sois pas arrivé au niveau du constat, parce que t'as un imperméable sur le corps, puis tu sens pas plus, c'est ton problème, ça, là. Mais enlève ton imperméable, il mouille. Hein? Arriver à ça, là, c'est un niveau de... Le monde appelle ça de la certitude. Mais moi, ce que je vois, c'est pas de la certitude, c'est de la conviction. Parce que tu lui donnes une petite tape sur l'épaule, là, puis oups, ça commence à branler. Écoute bien, là. C'est très, très, très solide de la certitude. Il n'y a pas de conviction là-dedans. Il y a bien des gens qui prennent la conviction pour une certitude. Non. Moi, si je vous dis que vous êtes riche ou vous êtes pauvre, c'est dans votre tête. Je dis, oui, mais ça ne me fait pas payer mon loyer. Pas d'accord. Je suis d'accord avec l'idée que tu n'as pas la ressource matérielle, mais le problème que ça te crée, il est toujours dans ta tête. Que finit en dessous de la roue, mais qui était au-dessus de la roue au début, puis que... Tout dans ta tête. C'est toujours dans ta tête. T'es-tu un tueur? C'est dans ta tête. T'es-tu un bon gars? C'est dans ta tête. C'est toujours dans ta tête. Le gars qui tire avec un gun, là, moi, j'ai du fun avec des guns, surtout les carabines, je tire la précision. Cette année, je suis supposé aller tirer à 900 mètres à Connaught. T'es-tu un tueur? Ça doit. Hein? Quand t'as une carabine dans les mains, t'es nécessairement un tueur. Tu peux pas poser à côté de ça. Tu peux pas avoir de l'air d'un ange quand t'as une carabine dans les mains. Mais tout à coup, je tue pas personne. Ça va te déranger bien gros. Que j'ai une carabine, que je tire 2000 balles par année, puis que je fais juste tirer sur du papier, m'a-t-il être moumoune? C'est quoi que t'as dans la tête? Il faut que je tue si j'ai une carabine. Né 11, esti. Un pour tous les genres de compétition. Puis pour amener du monde en compétition. J'aime bien ça, j'aime ça pas être seul à partager ma tuerie. Hein? On va tuer du papier, là. C'est-tu du papier recyclé? C'est-tu papier, hein? C'est-tu de l'arbre frais? C'est-tu... Ils sont tarés, le monde, c'est pas des femmes. Fait que tu commences à écouter ce monde-là, puis qu'il te juge, puis que tu t'acceptes ça. Hey, oubliez ça, vous allez vous faire dominer. Vous allez perdre toute votre richesse. Votre richesse, c'est votre cerveau. C'est-t-il. Puis imaginez votre cerveau plugué avec ce qui mène la vie, Dieu. Puis que vous n'êtes pas impressionné par le confessionnal de Dieu, puis que vous laissez rentrer en vous cette perception sans partir, ça ne fly, comme si vous étiez dopé. Ouh! Hey, là, vous êtes en voiture. Tu te lèves le matin et tu te dis, OK, tu peux aller te coucher, là. Adieu. Je suis là, là. Je suis réveillé. On va faire la job comme il faut. Les gens ne sont pas capables. Pourquoi? Parce que dans la tête, ils sont petits. Hey, il ne faut pas être Dieu, moi, là, là. Parce que pour vous autres, Dieu, c'est mener le monde, là. C'est remplacer Obama. Non, non, non. C'est pas ça. Je ne voudrais pas faire sa job. Non, c'est prendre ce que vous êtes et vous organiser à être balancé, bien. C'est pas une meilleure richesse que ça. J'ai tellement rencontré en consultation des gens riches, malheureux, puis des femmes malheureuses d'être avec des riches. Je ramène ça à du stock simple, hein? Question? Allez-y. Ceux qui veulent être riches, hein? Ouais, les trucs, les recettes de cuisine. Pas assez, on est juste bien à notre tête. Ça ne fait pas manger du caviar. C'est ça. Question? Elle était bonne la conférence, là? C'était clair? Et là, je vous dis au montage, je vais en couper pas mal. Hein. Je suis rendu à 1h17. Ben, c'est ce que je viens de faire. Ça fait 20 minutes, j'en parle. C'est tous les gens qui sont capables de ne pas être dans une lecture d'une condition de riche ou pauvre. C'est un individu que le seul fait d'être balancé, balancer ses vibrations, c'est l'état recherché. C'est l'état recherché chez le pauvre. Le seul problème, c'est que le pauvre puis le riche, la forme a beaucoup, beaucoup d'importance. Donc, tu peux être bien, tu peux être pauvre. Tu n'es pas pauvre, mais tu es dans des conditions matérielles. Quand je t'ai emmené dans deux formes pour te mettre un sourire d'en face. Ouais. Il tient-tu tout le temps ton sourire d'en face? Ben, j'adore ça. Quand j'embarque dans mon auto. Ouais, c'est juste dans ton char, hein? Tu devais dormir dedans. Pour payer le loyer, mais dormir dans ton auto. Il y a des Mercedes Station Wagon. T'installes là. T'as pas de toilette, remarque, mais tu vas dans un restaurant. T'en prends un chic, tu stationnes en avant, puis la vie est belle. Il y a toujours moyen de t'en sortir, j'imagine. Dans n'importe quelle condition. C'est parce que là, tu fais comme de se promener d'une forme à l'autre. Oui, pour vous montrer que vous êtes victime de la forme. Oui. Tu n'es pas supposé d'être bien parce que tu es un Mercedes. Tu devrais être bien dans un petit char de 1970. Puis... Oui. Mais non, il te faut une forme. Ça veut dire que tu juges beaucoup ta vie sur la forme. Oui, mais quand on te présente tout le temps la même forme... Tu es chanceuse, tu n'as pas besoin de changer. Hey, imagine, il faut que tu changes de forme. Tabarnouche, mon père changeait de char 3 fois par année. Tu pourrais-tu garder celle-là? On l'aime. Non, il faut pas le droit de faire plus que 10 000. Un vendeur, il y avait un millage maximum, après ça, il fallait qu'il le vende. Vous êtes victime de la forme. Si la forme, vous n'avez pas telle forme, vous êtes malheureux. Je ne suis pas supposé, ça. Il faut que tu répondes à tes besoins. Oui. Ben oui. Tu réponds à tes besoins? Non, ça ne s'essaye pas, ça. Tu réponds ça à tes besoins? Je mange. Bon, tu vois, gars, tu survis. Tu manges, tu dors, tu n'as pas froid, c'est merveilleux. Ouais. Ma toilette, là, elle a déjà été bloquée pendant 3 mois. Quand tu es obligé de chier de l'eau ailleurs pour pouvoir les faire flasher à bol, c'est parce que ça fait bien des restaurants, des fois, à 3 heures du matin, il y a Tim Hortons, chasseux. Ah, pourquoi tu n'arrives pas? Ben, ça ne donne pas. C'est dans la tête. Dans la tête. Tu perds la tête. Tu perds un bras, c'est pas la fin du monde. Tu perds la tête finale. Tu s'entends? Tu regardes les fous, là, qu'ils ont perdu la tête et ils sont restés vivants. Ils n'auraient pas vécu dans ces conditions-là. Ils sont même plus pauvres. C'est des déchets, là. Tu sais, c'est plus. Va-t'en, change de plan, ça hurle. Tu disais que le riche, il est riche parce qu'il... Il utilise le temps des autres. Ben oui. C'est tout, ça tourne tout autour du temps. Comment tu fais pour utiliser cette chaîne-là? Quelle chaîne? La chaîne du pauvre face au riche. Ah, tu voles. Quand tu voles, c'est automatique. Tu gagnes du temps. Il y a un gars qui a travaillé pour avoir, je ne sais pas, 100 000, puis s'il vole 100 000, tu viens d'y voler du temps. Faut qu'il recommence. Tu sais, jeu de parchésie, tu pognes le serpent, puis hop, t'en vas dans le bas. Écoute, il y en a bien qui ont compris ça, là. Si tu voles l'autre, Chris, tu gagnes du temps. Le gars, il ramasse son argent pour s'acheter un auto, l'autre, il vole. Ben, il en sauve-tu du temps, tu penses, là? Ouais, tu me demandes l'extrême, là? Ah, il y a des gens, moi, j'ai rencontré des gars dans le CAF, ils sont très intelligents. Ils sont intelligents à gagner du temps. C'était, ben, comme le gars qui voulait que je travaille pour lui, là, aller faire les jobs sales, juste parce qu'il m'a vu, il voyait que je tirais bien. Il y a du talent, lui, là. Il n'y a pas de morale, le gars. Fait que, il y a du talent, on va lui faire faire de l'argent, il va gagner du temps. Mais j'enlève la vie de quelqu'un pour gagner du temps, ça marche pas. Ça, on dirait que de la misère, tu es un chat. Puis de la misère, tu sais, vraiment, là, tu sais. C'est tout dans ta tête. C'est tout une affaire de tête. T'es pas moral, tu voles, bang, tu gagnes du temps. Il y a toujours quelqu'un qui subit à ta place. Donc, conséquemment, il y a un esclave. Moi, j'aime mieux avoir un esclave consentant. Je dis au gars, écoute, fais mon plancher, j'ai 15 piastres à l'heure à donner. Ça t'intéresse-tu? Il dit oui. Bon, c'est réglé. Il est heureux avec ça. Là. Un autre m'arrive, il dit, faire du plancher, c'est 40 piastres à l'heure. Ah, ben, ça, je vais le faire moi-même. Mais je ne suis pas capable de le faire moi-même. Là. Oublie pas, c'est du plancher en vinyle. Là. C'est pas... Tu ne mets pas une scie là-dedans, tu vas brûler ta scie. Là. La tête. Tu viens d'un consultant pour te faire remonter la tête, pour te faire monter le tupette. T'en vas tirer et te faire remonter. Pourquoi tu t'es acheté une 308? C'est peut-être ma déflée. Ben oui, ça remonte les tétons, hein, tu sais? Poum, poum, poum, poum. Ça les écrase? Non, mais ça fait déflée, puis après ça, c'est neuf. Bon, tu vois, tu fais tout. On fait tout quelque chose pour quelque chose. Okay. Moi, je t'en ai trouvé une pas chère, que quand tu vas revendre, ça va te, tu vas la revendre le même prix que tu l'as payé. Ça. Ça, c'est avoir quelqu'un qui travaille pour toi, puis tu viens des consultants, payer 45$. C'est tout, purement une affaire d'échange. Moi, j'aime ça de même. Je suis ton esclave, je te trouve un gun, puis tu deviens mon esclave quand tu viens sur le consultant, façon de parler. C'est de moi, j'appelle ça de l'échange. Je m'occupe de ta vie, tu t'occupes de la mienne. Bien, la plupart du temps, mon travail, c'est de vous faire voir autrement. Ouais. J'ai. Dit, dans ton terme, le pauvre, le riche, c'est comment ça pense dans ta tête. Ouais. C'est dans un état d'esprit pauvre. Comment ça te coûte un golf tout équipé? 25 000. Tu sais, j'ai payé le mien 27. Ouais. On ne fait pas la même impression quand on va stationner. Ouais, c'est ça. Mais je n'ai pas voulu faire ça pour une impression. C'est ça.